débat, people. Bienvenue dans le 60 minutes talk sur EFM. Et vous le savez, le 60 minutes talk, c'est une fois tous les mois, nous parlons d'un sujet d'actualité. Et c'est ce mois-ci, mois de novembre, eh bien nous avons décidé de parler du Téléthon. Tout simplement, oui. Le Téléthon de l'AFM aussi, donc l'Association française contre l'hémiopathie. Et tout simplement parce que le Téléthon, c'est la semaine prochaine. Hein. Oui, le Téléthon, c'est la semaine prochaine. Vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre, il faudra se mobiliser. Nous commençons avec notre premier invité. Il s'agit de Christian Côté, directeur général de l'AFM, l'Association française contre l'hémiopathie. Merci d'être présent avec nous ce matin. On va commencer avec la première question. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide historique de l'AFM ? Quand, pourquoi et comment cette association est-elle née ? Alors bonjour, l'AFM est née en 1958. Elle est née, ce sont des parents et des malades qui ont créé cette association parce qu'ils étaient confrontés à un diagnostic qui était un diagnostic grave, diagnostic de maladie incurable, quelque part désespérante. Mais ils ont su transformer leur souffrance en énergie positive, pour le combat. Ils ont donc créé cette association en se donnant deux grands objectifs qui sont toujours les objectifs de l'association. Le premier, se donner les moyens de guérir les maladies neuromusculaires. Donc l'hémiopathie est maintenant aujourd'hui, au-delà des myopathies, l'ensemble des maladies rares, c'est-à-dire plus de 8000 maladies rares qui concernent 3 millions de Français. Donc premier objectif, guérir. Et deuxième objectif, aider, parce que ces personnes, ces familles qui vivent avec ces maladies sont confrontées à de nombreuses difficultés. C'est la santé, évidemment, qui est impactée, et parfois le pronostic vital, puisque ce sont des maladies graves, lourdes, invalidantes, mortelles. Ce sont des maladies qui tuent. Mais au-delà de la santé, c'est tout l'impact sur la vie en général qui est concerné par la maladie. Donc il fallait les aider, les soutenir dans toutes les dimensions, les soins, la vie quotidienne, l'acquisition, par exemple, des aides techniques permettant de compenser les incapacités de la personne. Alors, Christian Côté, justement, pour aider l'AFM à avancer, le Téléthon a été créé donc, depuis 1987. Il s'agit vraiment d'une grande opération de solidarité visant à récolter donc, des fonds. Le Téléthon est organisé partout en France, relayé par les médias, notamment le service public, avec notamment une grande émission de télévision de 30 heures. Que représente pour vous le Téléthon et qu'attendez-vous de ce grand... Qu'est-ce qu'on attend d'un grand rendez-vous comme le Téléthon ? Alors, j'ai envie de dire que le Téléthon, d'abord, c'est l'espoir, puisque le Téléthon permet de recueillir les fonds permettant de financer notamment les recherches et puis l'aide aux malades. Alors le Téléthon, c'est quoi ? Vous l'avez dit, c'est d'abord une grande émission, c'est un grand événement médiatique grâce aux radios et à la télévision du service public. Mais c'est aussi et surtout un grand mouvement de mobilisation populaire. Ce sont des milliers de personnes qui s'implique, c'est plus de 22 000 manifestations sur le terrain, manifestations de toute nature, des événements sportifs, culturels, musicaux, voilà. Et tout cela avec des valeurs très très fortes. Je dirais que parmi ces valeurs, c'est le refus de la fatalité, c'est la mobilisation dans une cause qui dépasse chaque personne. Il y a beaucoup de dons de soi, de volonté d'avancer dans un mouvement solidaire. Donc je dirais, c'est d'abord cette grande solidarité qui a fait, je crois, de ce grand rendez-vous national quelque chose d'exceptionnel. Alors, monsieur Côté, est-ce que vous comprenez justement l'engouement des Français autour de cette manifestation, le Téléthon ? C'est quand même incroyable. Alors, je pense que cela renvoie aussi à la cause qui est portée par le Téléthon. Je le disais tout à l'heure, 3 millions de Français sont concernés par les maladies rares, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a, dans ses proches, dans sa famille, dans ses amis, quelqu'un qui un jour pourra bénéficier des recherches qui sont soutenues par le Téléthon. Et puis je crois que c'est une cause juste, il s'agit d'aider ceux qui souffrent, des enfants, des adultes, et qui, comme ces maladies rares, c'est un très grand nombre de personnes, mais chacune d'entre elles ne concerne qu'un petit effectif, quelques milliers, quelques centaines, quelques dizaines, voire quelques personnes en France pour les plus rares. L'industrie du médicament ne s'intéresse pas spontanément à ces maladies, et donc il faut que les citoyens prennent en charge leur destin et s'impliquent pour avancer vers cet espoir qui est attendu. Alors je profite de cette question pour revenir sur la polémique qui a été créée par Pierre Berger. Le président de Cédaction a eu des propos assez virulents toute la semaine sur le Téléthon et sur l'AFM. Il a déclaré entre autres sur France Info le week-end dernier, je cite, 100 millions d'euros pour le Téléthon, ça ne sert à rien, les organisateurs du Téléthon ont trop d'argent, fin de citation. Alors 100 millions d'euros, c'est un peu plus que ce que vous aviez eu en promesse de don l'an passé. Alors pour répondre à cette polémique, est-ce que vous pouvez pouvez nous expliquer comment ont été employés ces fonds? Est-ce que c'est trop d'argent, pour reprendre les propos de Pierre Berger? Alors, je dirais que les propos de Pierre Berger sont à la fois odieux, scandaleux. Bien évidemment, le Téléthon, ça sert. Tout à l'heure, nous parlerons science et nous présenterons les acquis du Téléthon. 100 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ce n'est pas assez. J'ai envie de vous dire que si aujourd'hui, tous les avancées de la recherche, tous les concepts cliniques qui existent dans les laboratoires pour les maladies rares pouvaient être développés vers la clinique, c'est-à-dire passer à l'application humaine, ce n'est pas 100 millions d'euros dont nous avons besoin chaque année, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros qui sont nécessaires. Donc, dire que c'est trop et que ça ne sert à rien, c'est soit ne pas connaître les avancées de la science, de la recherche de ces 20 dernières années, à minima, ne pas connaître donc ce domaine, et sur un autre plan, c'est peut-être manifester une intention de nuire par rapport à une aigreur et une jalousie par rapport à une réussite qui mobilise des millions de Français. Alors Christian Côté, je vous rappelle que vous êtes directeur général de l'AFM, que c'est le 60 000 talk, un spécial AFM Téléthon. Une question, cette année, 13 villes ambassadrices porteront haut les couleurs du Téléthon, Monsieur Côté. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quelques-unes des grandes opérations qui sont prévues? Alors, ce qu'on appelle les fils rouges. Alors, je vais en citer deux. La mobilisation des fédérations de canoë-kayak et d'aviron dans une opération qui s'appelle Contre vents et courants, qui vont parcourir les rivières de France et qui vont arriver dans une grande, une apothéose sur les bords de Marne, puisque le plateau central de l'émission est au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Donc, les canoë-kayak, les environs mobilisés dans toute la France. Deuxième grand fil rouge, la guinguette, le pavillon Baltard, bord de Marne, avec le bal populaire et la guinguette. Donc, des guinguettes virtuelles, des guinguettes temporaires, et tous les Français mobilisés pour le bal popu dans ces guinguettes, dans toutes les villes ambassadrices, mais au-delà même, dans toutes les villes mobilisées pour le Téléthon. Et oui, vous l'avez dit, il y aura plus de 22 000 manifestations prévues. On va revenir avec vous d'ici quelques instants pour parler de la mission Aider, Christian Côté. Avec plaisir. Actualité, débat, people. Bienvenue dans le 60 minutes talk sur EFM. 60 minutes talk spécial AFM, spécial Téléthon avec deux invités. Dans quelques instants, nous recevrons Serge Brown, directeur scientifique de l'AFM. Mais depuis 8h, nous avons à nos côtés Christian Côté, directeur général de l'AFM. Et nous allons revenir. Donc, monsieur Côté, voilà, je vais vous ouvrir le micro. Mettez pas de casque. Non, monsieur Côté, il est pro. Monsieur Côté, il est pro. Il a pas besoin de casque. Il a pas besoin de micro. Il maîtrise les médias. Il n'y a pas de souci. Bon, monsieur Côté, l'un des objectifs de l'AFM au quotidien, c'est donc d'accompagner et de soutenir les malades, on le sait, leurs familles, notamment grâce à sa mission Aider. Et quels sont vos objectifs dans le cadre de ce programme? Alors, il s'agit d'aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre avec la maladie, c'est-à-dire, j'ai envie de le dire en quelques mots simples, faire en sorte que la vie soit belle, que la vie soit vivable et que la personne malade puisse, malgré les contraintes liées à la maladie, vivre sa citoyenneté pleine et entière et assumer son projet de vie. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour répondre justement à ce programme? Alors, sur ce programme, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Aider, c'est d'abord accéder à une qualité des soins. Donc, c'est faire en sorte que partout en France, où que l'on habite, on puisse être pris en charge avec une totale équité sur tout le territoire et pas uniquement dans les grands hôpitaux parisiens. Et ainsi, nous avons travaillé, nous avons soutenu, nous collaborons avec un réseau de consultations spécialisés, des consultations multidisciplinaires qui sont là pour prendre en charge au plan médical. Ça veut dire consultation multidisciplinaire, ce sont les médecins qui se rassemblent autour du malade plutôt que le malade soit confronté à un parcours de spécialiste en spécialiste. Donc ça a permis de faire progresser la prise en charge, la précision du diagnostic, la qualité des soins en général. Deuxième aspect, c'est aussi la vie quotidienne. Nous avons mis en place un réseau de professionnels, ce sont des services régionaux avec un métier original que nous avons inventé. Ce métier, c'est le technicien d'insertion. Ce technicien d'insertion, c'est un intermédiateur à la fois dans le domaine médical et médico-social. Il est là pour aider la personne malade, sa famille, à faire face à tous les aspects de la maladie. C'est l'orientation pour les soins, c'est la vie quotidienne, l'adaptation du logement quand on vit avec un fauteuil roulant, les difficultés scolarisation pour les enfants. Et puis aujourd'hui, parce que de tout ce grand mouvement avec les progrès généraux de la médecine, même si ces maladies restent aujourd'hui incurable. L'espérance de vie a beaucoup augmenté. On a gagné des années de vie sur la maladie. Et aujourd'hui, ces personnes sont confrontées à des problématiques d'adultes. Le marché du travail, l'emploi, la vie de couple. Donc, tout un ensemble qui est le projet de vie de la personne. Christian, côté, combien de fonds avez-vous investi l'an passé dans cette branche de l'AFM ? Alors, l'an passé, comme depuis quelques années, environ 35 millions d'euros. Alors justement, vous parliez un petit peu des aides que vous apportiez. Au niveau du travail, est-ce que vous avez des aides concrètes, des exemples que vous apportez aux malades ? Au niveau du travail, vous voulez dire au niveau de l'insertion dans la vie professionnelle. Alors, ce sont nos techniciens d'insertion qui sont là pour, j'ai envie de dire, aider les familles à dépasser un certain nombre de difficultés. Alors, l'accès au marché du travail, c'est d'abord l'accès à la formation. Et c'est une difficulté puisque plus on monte dans les étages de l'enseignement et de la formation, plus c'est difficile. Beaucoup de choses ont été faites et aujourd'hui, la scolarisation des enfants est à peu près bien organisée. Bon, il y a bien sûr encore des difficultés. Il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des questions d'accessibilité de certaines écoles. Il y a encore des difficultés du côté de la mise à disposition des AVS, les assistantes de vie scolaire. Il n'y en a pas suffisamment. C'est-à-dire que le système n'est pas stabilisé. Ce métier est mal reconnu. Ça reste aujourd'hui des emplois précaires. Il faut absolument sortir de cette situation d'emploi précarisé qui ne permet pas une véritable développement d'un vrai métier par rapport... C'est un petit peu vrai pour tout ce qui est métier d'assistance à la personne. Alors, au niveau de... Mais c'est de plus en plus difficile, par exemple, vers les universités, quand on monte dans la formation, il y a encore de gros problèmes d'accessibilité, par exemple, et puis, il faut se battre, et donc ça fait partie de cette mission aidée. Alors, cette mission aidée, c'est aussi revendiquer. Alors revendiquer, ça ne veut pas dire aller manifester dans la rue, quoique parfois, nous le faisons parfois. Mais c'est aussi travailler avec les pouvoirs publics pour faire évoluer le cadre législatif permettant d'aller toujours dans le sens de l'expression de la citoyenneté pleine et entière de la personne dépendante. Et vous voyez qu'à travers ce type d'objectif, c'est pas uniquement les malades invalides à cause d'une pathologie particulière, mais c'est l'ensemble du monde du handicap qui est concerné par cette action. Et quelles sont vos principales revendications pour l'avenir dans ce domaine ? Alors, on a déjà parlé de l'accès à la formation. Je crois que ça reste un chantier qui est ouvert. Autre aspect, notre position politique, qui est celle du conseil d'administration de l'AFM, c'est qu'il n'est pas de reste à charge, pour les familles, tant dans le domaine de la compensation, c'est-à-dire le financement des aides techniques, les fauteuils et tout type de d'outils technologiques permettant de compenser la situation les incapacités de la personne, et 0 € à la charge des malades, c'est-à-dire dans le domaine des soins. Et ça, cet objectif de prise en charge par un système de santé qui reste un système de santé solidaire et efficace, c'est vrai pour les malades neuromusculaires, c'est vrai pour les maladies rares, mais c'est vrai aussi pour tous les Français. Donc vous travaillez un peu pour tout le monde en fait. Alors, ça serait peut-être un petit peu exagéré, mais à partir de ce travail sur les maladies rares, il y a des résonances, il y a des extensions qui concernent alors les malades en général et parfois le citoyen dans sa pleine expression de son statut de citoyen. Actualité, débat, people. Bienvenue dans le 60 minutes talk sur EFM. Un 60 minutes talk, vous le savez, spécial AFM Télétour. Dans cette première partie, entre 8h et 8h30, nous avons reçu tout à l'heure Christian Côté, donc directeur général de l'AFM. La seconde partie, maintenant, nous recevons un nouvel invité. Il s'agit de Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM. On dit Monsieur Braun, c'est ça ? Ça dépend, en Alsace on dit Braun. Ah, Braun, pardon. Mais ici, Braun. On a le droit ? On a le droit à l'erreur. Mais non, c'est pas une erreur. Bonjour déjà, pour bonjour. Bonjour à vous. Alors, pouvez-vous un petit peu nous expliquer, M. Braun, eh bien, ce que sont les maladies neuromusculaires auxquelles l'AFM s'intéresse ? Non, l'AFM s'intéresse aux maladies neuromusculaires, mais aussi aux maladies rares en général. Alors, les maladies neuromusculaires, il y en a un peu plus de 300. Elles concernent le système qui contrôle la motricité. Donc ça va du cerveau, moelle épinière et muscles. Et quelles sont les maladies neuromusculaires les plus fréquentes et leurs symptômes, pour qu'on comprenne bien ? Alors, j'en citerai trois qui illustrent assez le domaine. La plus fréquente est la myopathie du chêne. C'est une maladie qui touche des enfants, essentiellement des garçons, une naissance masculine sur 3500, et elle se traduit par une décroissance progressive de la force musculaire, le fauteuil roulant en général avant 12 ans, une perte de la marche avant 12 ans, le fauteuil roulant avant 20 ans, et malheureusement très, très, très souvent le décès dans la troisième décade de vie. Ah oui, il y a une durée de vie extrêmement limitée. Beaucoup de maladies génétiques rares conduisent au décès. Beaucoup touchent les enfants, 50%. Vous avez aussi des pathologies neuromusculaires qui touchent plutôt les adultes, comme la dystrophie myotonique. Oui, c'est la question que je vais vous poser. Il n'y a pas que les enfants qui sont touchés par ces maladies. Non, certaines se prolongent dans l'âge adulte et d'autres apparaissent à l'âge adulte. Et puis, vous avez des pathologies qui touchent, une même pathologie qui peut toucher soit des enfants, soit plus tard l'adulte, en fonction du niveau d'atteinte du gène considéré. Alors, qui peut, vous nous parliez, voilà, c'est des enfants et des adultes, mais qui peut être touché? Comment ça s'attrape, si je puis dire, cette maladie? C'est une erreur de la nature. La nature est bien faite, mais elle fait aussi de temps en temps des erreurs. Il faut imaginer que notre patrimoine génétique, c'est 3000 lettres, c'est une bibliothèque qu'il faut recopier à chaque fois que la cellule se divise, et la nature fait des erreurs, et elle ne recopie pas toujours à l'identique. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que nous sommes tous porteurs de mutations génétiques. Vous, moi, nous avons au moins une dizaine de mutations génétiques susceptibles de provoquer une maladie génétique. Et c'est le hasard des croisements de nos parents, parce qu'il faut à chaque fois, ou très souvent, que les deux chromosomes soient touchés. Et certaines maladies, vous avez une personne sur 50 qui est porteuse de la mutation, mais qui n'est pas malade. Et c'est le hasard des croisements qui fait que ça peut apparaître. Et c'est ce qui explique qu'il y ait plusieurs milliers de maladies génétiques et que 3 millions de personnes en France soient touchées, 30 millions de personnes en Europe. Voilà, c'est 3 millions en France, le chiffre. Oui, c'est à peu près 3 millions de personnes. Alors, prises individuellement, c'est des pathologies qui sont rares. La myopathie du chêne, c'est quelques milliers de personnes. Et pourtant, c'est la pathologie neuromusculaire de l'enfant la plus fréquente. Donc l'ensemble des pathologies, on va dire, ça concerne environ 3 millions de personnes, c'est ça? L'ensemble des maladies génétiques concerne à peu près 3 millions de personnes. Un vrai problème de santé publique. Il faut savoir qu'en France, il y a 1 million de personnes qui vivent avec le cancer. Il y a 3 millions de personnes qui vivent avec des maladies rares. Et les moyens qui sont mis sont 15 fois inférieurs. D'accord. Alors l'AFM, on rappelle, l'Association française contre les myopathies, consacre donc la majorité de ses fonds à sa mission guérir pour faire avancer la recherche. Combien de fonds ont été engagés dans cet objectif l'an dernier? Sur 100 millions d'euros, 60 vont à la recherche. 60% donc du coup. 60%. Et alors concrètement, comment se répartissent ces fonds? Où vont-ils? À quoi servent-ils? Alors on pourrait le diviser en trois parties. Une première partie qui correspond pratiquement à la moitié de ces fonds, ce sont ce qu'on appelle les bras armés de l'association Généton, l'Institut ISTEM, qui sont des laboratoires assez importants. On y reviendra tout à l'heure. Trois laboratoires qui ont été créés par l'AFM. Et puis, vous avez des programmes de recherche au travers d'appels d'offres. Il y a 300 programmes de recherche qui sont financés chaque année. C'est des programmes, en général, sur 2 ans. Et puis vous avez des projets stratégiques, des projets très importants en montant, en durée. C'est des projets qui peuvent durer 10-20 ans. On parlera peut-être de l'adrénoleucodystrophie. C'est un investissement de 20 ans de l'AFM, évidemment pas uniquement de l'AFM. Donc voilà, on a trois grandes parties. Voilà, merci beaucoup Serge Bond. On vous retrouvera dans quelques instants pour notre deuxième partie de ce 60 minutes talk. Je vous rappelle que vous êtes directeur scientifique de l'AFM, de l'Association française contre les myopathies. Actualité, débat, people. Bienvenue dans le 60 minutes talk sur EFM. De retour dans ce 60 minutes talk, dernière partie spéciale AFM, Association française contre les myopathies, mais aussi Téléthon. Je vous rappelle la date, vendredi 4 et samedi 5 décembre, donc pas ce week-end, le week-end prochain. Dernière partie avec notre deuxième invité, Serge Braun, donc directeur scientifique de l'AFM. Alors, monsieur Braun, en 2002, l'AFM a lancé donc un programme intitulé La Nouvelle Frontière, visant notamment à multiplier les essais thérapeutiques sur l'homme. Expliquez-nous concrètement cette stratégie. Et l'objectif, c'est de multiplier les essais sur un certain nombre de pathologies, et c'est la stratégie d'intérêt général de l'association. C'est commencer sur quelques pathologies, faire des preuves de concept et ensuite ouvrir le champ à des applications beaucoup plus larges, d'autres maladies neuromusculaires, d'autres maladies rares, et puis ouvrir la porte aussi pour des maladies fréquentes. Aujourd'hui, c'est 34 essais cliniques, 30 pathologies différentes. La moitié concerne les maladies neuromusculaires, l'autre moitié des maladies de la peau, des maladies de la vision et même l'infarctus du myocarde. Il faut savoir qu'au fil du temps, l'AFM a créé ses propres structures, c'est assez impressionnant, pour faire avancer la recherche. Il y a eu le Généton à Évry qui a ainsi vu le jour en 1990, l'Institut de myologie à Paris en 1996, et puis plus récemment, le dernier venu, l'ISTEM, l'Institut des cellules souches qui a ouvert ses portes à Évry en 2005. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces trois structures et leur objectif à chacun ? Le Généton, c'est un laboratoire de plus de 200 personnes. À l'origine, l'objectif était d'identifier les gènes à l'origine des maladies. Ça a été l'écart du génome, publication scientifique la plus citée dans le monde pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, on connaît la moitié des gènes à l'origine de maladies rares et surtout, on a pu comprendre la fonction de bon nombre de gènes et c'est des recherches fondamentales qui sont utiles pour la compréhension des mécanismes fondamentaux de la biologie. Aujourd'hui, Généton est focalisé sur les thérapies géniques et appliquées aux maladies rares et voire aux maladies fréquentes. L'Institut de myologie, c'est une structure assez unique où on trouve en un même endroit des consultations de malades, des laboratoires de recherche fondamentale, deux unités INSERM, un centre d'investigation clinique pour les essais cliniques et un centre de formation pour les neurologues à la myologie. Et puis ISTEM, à Évry également. Alors Évry, c'est, vous connaissez évidemment la Génopole, tout le monde connaît la Génopole. Oui, c'est l'AFM qui a été à l'origine de la Génopole. Aujourd'hui, c'est 70 entreprises, 2300 emplois. C'est le Téléthon qui a permis tout ça. Et ISTEM est l'Institut des cellules souches dirigé par Marc Pechanski qui travaille sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes. Alors on va parler un peu maintenant des bilans et un petit peu de l'avenir aussi. Quelles ont été les avancées significatives en matière de recherche sur les maladies neuromusculaires ces 20 dernières années ? Alors je le disais, un bon nombre de gènes identifiés, beaucoup d'essais cliniques, certains traitements pour un certain nombre de pathologies de l'enfant, des traitements aussi applicables sur l'adulte, des nouvelles technologies, des thérapies géniques, des chirurgies du gène, des molécules pharmacologiques innovantes, on peut moduler la fonction de protéines, c'est applicable aux maladies neuromusculaires, c'est applicable au cancer, c'est applicable au sida. Et puis plus récemment, pour faire le lien avec ISTEM, épaulocudystrophie, on a parlé récemment de deux découvertes énormes le mois de novembre. Voilà, deux enfants stabilisés dont la maladie a été bloquée par la thérapie génique, une maladie du cerveau, l'adrénoleucodystrophie, en lien avec l'association ELA. Et finalement, ce qui est fait dans l'adrénoleucodystrophie est applicable aussi à bien d'autres pathologies du cerveau. Et puis ISTEM a mis au point, pour la première fois dans le monde, une technique qui permet de transformer des cellules souches en peau. Et la peau, c'est applicable, la peau humaine. Cette peau peut être appliquée aux maladies génétiques de la peau et puis aux grands brûlés, là aussi, stratégie d'intérêt général. Oui, découverte faite la semaine dernière, annoncée au public. Alors, toutes ces découvertes impressionnantes qui font vraiment avancer ont été en partie financées grâce aux dons du Téléthon, donc c'est très très important. Et à l'heure actuelle, Serge Braun, de quoi avez-vous besoin pour avancer encore plus vite? Alors, il faut savoir que pour développer un médicament, il faut plusieurs téléthons. Plusieurs téléthons pour développer un médicament. Nous, on n'est pas sur une pathologie, on est sur des milliers de pathologies. Nous n'avons pas la chance d'avoir l'industrie pharmaceutique derrière nous. Les maladies rares prises isolément, ça représente peu de personnes. Donc, ce n'est pas un marché pour l'industrie pharmaceutique. Très difficile de l'intéresser, contrairement aux maladies fréquentes. Je disais, 15 fois moins de moyens pour la recherche sur le cancer. C'est énorme. Des milliards de dollars sur les maladies infectieuses. Ce n'est pas le cas pour les maladies rares. Nous avons besoin d'énormément de moyens. Nous essayons, par cette stratégie d'intérêt général, d'ouvrir les champs de l'impossible. On ouvre ces champs de l'impossible, deviennent le possible. Et il nous faut plusieurs téléthons pour développer à chaque fois un médicament. Donc, comme le disait Christian Côté tout à l'heure, ce n'est pas de 100 millions d'euros dont on aurait besoin. C'est de 300 et peut-être beaucoup. Le triple. Et bien, on va essayer de battre ce record la semaine prochaine. C'est le prochain, exactement. Je vous rappelle, vendredi 4 décembre, samedi 5 décembre, le Téléthon, nouvelle édition. Si vous voulez avoir plus d'informations, sur l'AFM, www.afm-téléthon.fr. Serge Braun, merci beaucoup. Je vous rappelle merci que vous êtes directeur scientifique de l'AFM. Merci beaucoup aussi à Christian Côté, qui était donc notre premier invité, directeur général de l'AFM. C'était voilà un 60 minutes talk spécial AFM Téléthon. N'oubliez pas, c'est le week-end prochain et on a besoin de vous, de vos dons. Mobilisez-vous. Exactement, vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, la semaine prochaine. Merci et puis bon Téléthon à tous. Merci à vous. Vous écoutez le 60 minutes talk sur EFM.